Radio Galaxy. Galaxy. The Empire of House Music. Merci à Willy. Bien sûr, on le retrouvera dès demain matin pour les matinales en compagnie de Stéphane. Bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bienvenue à bord de Party After. On est ensemble jusqu'à midi. Pascal Mancini pour vous accompagner. Restez bien avec nous. Tout à l'heure, on fera un petit tour du côté des clubs pour ce dimanche 23 mars spécial veille de fête. On vous souhaite bien sûr de passer un excellent moment. Voici tout de suite Party After. On est ensemble jusqu'à midi. Disco Boom, Disco Boom, Disco Record. Disco Boom, Disco Record. Disco record. meilleurs de la scène électronique à l'instant avec PS, que vous pourrez trouver sous le label Data War, qu'on poursuit bien sûr avec une autre nouveauté, c'est le dernier Faites le Grand, que vous pourrez trouver sur le label CR2 Record, et on l'écoute tout de suite avec Get This Feeling. We'll be right back. À l'instant, Sultan sur les ondes de Galaxy, les 10h, passé de 33 minutes. Un petit tour du côté de l'information de proximité. On vous parle tout de suite d'une exposition qui a pour titre Vivant pour de vrai, qui aura lieu jusqu'au 2 février en 2009. Ça se passe au Forum d'Intermental des Sciences 2009 d'ASC. Vivant pour de vrai propose aux enfants de découvrir par eux-mêmes les multiples critères qui définissent le concept du vivant par le biais de l'expérimentation et de la réflexion et de l'échange. Plus d'informations, vous pouvez les avoir au 03 20 20 62 70. Je répète, 03 20 20 62 70. Une autre information concernera bien sûr le site d'action. C'est l'édition 2008 qui est programmée le 28, 29 et 30 mars partout en France. Faites vos dons jusqu'en avril en appelant le 110 ou sur sudaction.org. Site d'action tous ensemble contre le sida. Je vous rappelle, ça sera le 28, 29 et 30 mars. Et on va terminer avec une autre information de proximité. C'est le 30e carnaval de Waterloo, le 4, 5 et 6 avril prochain, le rendez-vous festif et incontournable de l'année. Défilé géant, musicien Gilles Reconstitution, son programme de ce 30e anniversaire. Plus d'informations, www.ville-waterloo.fr. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. I'm gonna get it.

partie naturellement des dernières nouveautés du moment avec le dernier jeune Aquaviva que vous pouvez retrouver sous le label Définitif. Il est 10h51. Dans quelques minutes, on va vous parler des sorties pour ce soir, pour ce dimanche 23 mars. Ne bougez pas et ensuite on vous parlera aussi de quelques informations concernant la ville de Waterloo et aux alentours. encore et encore une découverte, Galaxy Mastic Soul, l'instant avec le titre Jacobino. Vous retrouvez sous le label Oshi Record. On retrouve tout de suite avec Rafi Falcon. Encore un titre découvert ici, c'est Break You et c'est un coup de cœur de cette émission Party After. Venu du bonheur, Ralph Falcon instant avec le titre Break You sur les ondes de Galaxy. Un petit tour du côté des clubs en ce dimanche 23 mars. Pratiquement tous les clubs sont ouverts. La bûche pour la fameuse soirée Club Tour, c'est la 5e édition avec Manu Kenton, Rustless, Vecta, DJ Fox, Loud, sans oublier bien sûr nos résidents au Cherry Moon avec Lister Retro Celebration. À l'âge de zoo pour la soirée Dance of This 3 avec Joanne Smith, David Burday, Bash et avec les résidents. Au Pulse Factory pour la soirée Retro Pulse avec Fifi, Georges, GMK2 plus les résidents. Et au zoo aussi pour la soirée Be Live, Francesco de Mula avec André Lave, Mister T, Serum, Thomas et Ced. Et on va finir aussi avec l'Escape Concept pour la soirée Scandal House avec Michael Venn, Steven Resident avec Lain Show Gogo. Et aussi au Bliss Club pour la soirée Retro Session avec Francesco, Cosmic et avec aussi nos amis résidents. Sans oublier que vous pouvez reconnaître et recevoir toutes ces informations en allant sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Dernière partie de cette émission, on va la terminer avec quelques souvenirs. On commence tout de suite avec Chose Smooth. Smoke City sur les ondes de Galaxy. Yeah. de la nuit. Naturellement, pour cette veille de 7, on a retourné les disques, on les a ressortis de nos placards. Voici tout de suite Pulvertom. Oh, Galaxy. We'll be right back. Galaxy. Il est 11h, passé de 33 minutes, on va faire tout de suite un petit tour du côté de l'information de proximité. On vous parle tout de suite d'un vide-grenier, ça se passe au Sapin Vert. C'est l'Union commerciale du Sapin Vert de Waterloo qui organise leur vide-grenier le dimanche 30 mars de 8h à 18h. Il est réservé uniquement aux particuliers et sera agrémenté de diverses animations, renseignements et inscriptions au 03 20 26 71 11. 03 20 26 71 11. On vous parle aussi de l'Impro Café, la ligue d'improvisation professionnelle de Marc Cambareul vous invite à leur prochain rendez-vous, Impro Café, le vendredi 4 avril à 20h30 à la salle Jacques Brel de Croix. Comédiens et musiciens improviseront sur des thèmes donnés en direct par le public. Réservation au 03 20 28 52 17. Et on vous parle aussi du site d'action qui aura lieu le 28 et 29 30 mars dans la France entière. Faites vos dons jusqu'au mois d'avril en appelant le 110 ou sur sitedaction.org. Tous ensemble contre le sida, je vous rappelle, ça sera le 28 et le 29 et le 30 mars. Worth nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. A loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Fake cool image should be over. Cause I long for a feeling of home. After long. Oh, let your love flow like the sunshine. The rivers run deep and valleys go dry like that water. Just open your heart, just open your mind, and let your love flow like the sunshine. The rivers run deep and valleys go dry like that water. Blackwater à l'instant sur les ondes de Galaxy en souvenir. Passez tout de suite Mandy. On va vous parler tout de suite de ceux qui seront là cet après-midi, qui feront bouger la radio. Dans un quart d'heure, c'est Tom que vous retrouverez pour une session à house suivie de Michael H, suivie de Chris D, suivie de Mandré. Sans oublier aussi notre ami Guillaume de Baskerville qui ce soir fêtera l'anniversaire de Prélude, 200e numéro avec 3 heures d'émission, 3 heures de best-of, 3 heures pour se relaxer juste avant de partir en club. Car n'oubliez pas, en ce dimanche 23, tous les clubs sont ouverts, que ça soit La Bûche, le Pulse Factory, l'Escape Concept, le Bliss, le Cherry Moon, etc., etc. Vous avez le choix pour sortir, n'hésitez pas à aller aussi sur le site de Galaxy pour connaître tous les détails de ces soirées-là. Pour ce dimanche 23 avril, voici tout de suite Mandy avec O Superman. Studio à l'instant avec le titre SOS, on est pratiquement arrivé au bout de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous accompagner tout au long de ces deux heures. Party After, bien sûr, reviendra la semaine prochaine pour une nouvelle, pour un nouveau rendez-vous, pour une nouvelle émission. Mais on continue tout de suite, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Voici tout de suite JD avec Plastic Dream. Un souvenir de 1996 pour terminer cette émission. C'était Party After. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, à partir de 10h jusqu'à midi. Il est arrivé dans les studios. On va poursuivre avec les souvenirs. Le voici, le voilà. Voici tout de suite Tom pour un spécial Retro House. Je vous souhaite bien sûr une excellente après-midi, une bonne soirée. Si vous sortez en club, soyez surtout très prudents. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.